Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Hind en Brezonnik avec Henri Lenaou Kentel Perron Roezek à Perrugen. C'est ça, Henri? 496. C'est ça. Mardi. Alors Henri, on commence comme d'habitude par Guerriou Arvué. Ouais. Les mots de la vie, un mot aujourd'hui, quel est-il? Alors aujourd'hui, c'est roué. C'est un mot qu'on n'avait pas encore abordé. Roué, le roi. Roi, hein. Voilà. Alors, c'est un mot masculin qui a un pluriel régulier, rouéet, mais qui a aussi des pluriels irréguliers, comme rouandes, par exemple. Alors là, il y a une petite confusion, parce que rouandes, c'est aussi la reine. Donc, par exemple, quand on dit gouéle rouandes, c'est la fête des rois et pas la fête de la reine, quoi. D'accord. Voilà. Donc, alors c'est une vieille racine indo-européenne, hein, qu'on trouve dans pratiquement toutes les langues, pas en anglais, puisque en anglais c'est king, hein, c'est une autre racine germanique, hein, mais c'est une racine qu'on trouve un petit peu partout. Par exemple, en latin, c'est rex, alors sous la forme déclinée, c'est regis, qui a donné régalien, par exemple, hein, les droits régaliens. Ça vient de là, je savais pas. Oui, on entend souvent parler de ça. En français, le roi, hein, le souverain, le monarque, hein. On pense au roi soleil, les rois mages, hein, voilà. On parlait de Gouel Rouen tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est une figure de carte aussi, hein. Roué. Alors, il y a une vieille racine, alors, je disais des racines germaniques, par exemple. Il y a Ric, hein, par exemple, Childéric, Théodoric. Ah oui. Ouais, c'est alors le roi à l'époque c'était plutôt des chefs, hein, parce que on avait vite le titre de roi dans l'Antiquité, hein. C'était le bon temps. je ne sais pas beaucoup voudraient être le roi aujourd'hui. Alors en gaulois c'est Rix, hein, Vercingétorix bien sûr, hein. Oui. Donc on trouve aussi la forme déclinée comme en latin. Par exemple les Bituriges, les habitants du Berry, hein, ça veut dire Biturige, roi du monde. Ils se dénommaient eux-mêmes les rois du monde. Voilà. Alors en gaulois, on trouve aussi Rigana, qui est la reine, c'est très proche du latin Regina. Hein. En sanskrit, Raya, ou Raja, hein, le Maharaja, c'est le grand roi. Voilà. Alors pour nous en breton, donc on dit roué, hein. Donc comme je l'ai dit, pluriel rouéet, pluriel irrégulier rouanet ou rouanes aussi, hein, voilà. Et féminin aussi rouanes, hein. Nio salut rouanes nélé, hein, là dit le cantique, hein. C'est pas tout à fait cet air là d'ailleurs, mais bon. C'est quoi rouanes nélé? Rouanes, la reine, la vierge, c'est la reine des cieux. Voilà. Alors ça a donné les noms de famille, hein. Alors on trouve les deux, hein, le roi et roué. Hein. Ah oui. Y a des roués par ici. Hein. Alors on ne sait pas trop d'où ça vient. C'est peut-être des gens qui représentaient le roi dans les mystères, des acteurs au Moyen Âge, et ils ont gardé ce surnom-là, quoi. Voilà, roué. Hein. Bon, alors des mots dérivés, rouantelos, le royaume, hein. Rouéel, royal, rouélo, royaliste. Moins répandu, dit rouéan, destituer un roi. Voilà. Alors, Gouel Rouan, je l'ai déjà dit, hein, la fête des rois. Guast le Rouan, la galette des rois, ou Queen Rouan. Hein. Oui, c'était les fameux rois mages, hein, les trois rois. Hein, Gaspard, Balthazar et Béré. C'est toujours des questions qu'on pose dans les jeux télévisés. Hein, Melchior, Balthazar et Gaspard. Voilà. Alors, il y a aussi, par exemple, des expressions, drougoroué, hein, la maladie des rois, c'est les écrouelles que les rois avaient le pouvoir de guérir, dit-on. Il y a aussi une autre plante qu'on appelle, l'ouzoen drougoroué, qui est la scrofulaire, qu'on appelle aussi l'ouzoen zancado, hein. Ah ouais. Ouais. Qu'on en trouve, hein, dans les fossés par ici, hein. Et qui a le pouvoir de guérir les maladies de peau, et en particulier tout ce qui était écrouelle. Voilà, ma crème on ne tombe trop, war roué. Et on passe à la seconde partie. Brezonek, tant ma tombe. Alberga, qui est allé au Salon de l'Agriculture, c'est ça, Henri ? Oui, tous les ans, oui. Et ça va être le dialogue, l'objet du dialogue, et Chandic vient le voir. Voilà, et Chandic vient le voir. Chandic, qui est Plara Radio. Plara Radio, voilà. Salut, Albert. Madjou. Matri, Chandic. Nahoui, maden trouve ganar ? Ya, ya, mais l'aridine, Albert. Clévet meus, or bed nevesso, bah, salons à la bourdoua. Ya, bedon de blanc maroas, plusieurs adines mondor andro, chomberant d'au pédridé, plus durement me brelouille au chomba paris. Ne veut que rétine payant un hôtel de gousquet. À bas salon de la Bourdouar, veguel calze dut de Spébler, de Sbrovrance, à calze l'onnet. Calze dut de Zobet? Wardro, ouer quand mille Zobet, on tombe neuptor vidoir l'anne de Smusclevet. À l'onnet? Ah, ya, l'onnet de Bepsort, tiezek, zout, mort, dévet. À l'onnet de Zevro? Ya, guel mezer gazek diwalet, de Zlarun, à calze dut doit être Ah. Des œuvres en main. Ah, tant vêt peut straul lipus? Ah, ya, guin, gist, qui porl, calze drau, mais redvedin diwal me mestra, banwa d'en aille. Mon ariette was? Ya, zonjal rendement, benebla was, ma veille hier, redganin. On reprend phrase à phrase ce dialogue d'Albert et de Chandic qui va rencontrer Albert, qui est allé au Salon de l'Agriculture. Salut Albert, manage. Ya. Bonjour Albert, comment ça va? Très, Chandic. Naroui, madame Traganar? Très bien, et vous, Chandic, ça va aussi? Ya, ya, mais l'arédine Albert, clévet meuseur, bête nevesso, bah, salon, salle labour douar. Oui, j'ai entendu que vous êtes allé récemment au Salon de l'Agriculture. Ya, bédon d'Arblamorwas. Oui, j'y suis allé encore cette année. Plige radine, monde Oberandro. J'aime bien aller faire un tour. Oberandro, aller faire un tour. Chomeron. Daop et dridé, péguir et mon breur Louis au Chomba Paris. Voilà, je reste 2 ou 3 jours puisque mon frère Louis habite à Paris. Neve kérédine monde d'un hôtel de Gousquet. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôtel pour dormir, hein, si on traduit littéralement. À bas salon, salle de la Bourdouar, avec Gouel et Calz à Dut de Bepler, Hébro France, à Calz à Londres. Voilà, et au Salon de l'Agriculture, on voit beaucoup de gens, Calzedud, hein, de Spébler, hein, d'un peu partout, Ebrovrance, en France, hein, à Calzelonde, et beaucoup d'animaux. Calzedud, aux bêtes, demande Chandic. Il y a eu beaucoup de monde. Wardro, 50 000 de Smusclevet. Il y a Wardro Wer Kan Mil de Smeusklève de environ 600 000, d'après ce que j'ai entendu. Anton Nebetor et Vid Warlene. Un peu moins que l'année dernière, oui. Il y avait eu 700 000 l'an dernier, oui. À Londres. Et des bêtes. Ah, il y a Londres à Bepsert, Kays, Exaut, Mor, Dinvet. Oui, des bêtes de toutes sortes, hein. Des chevaux, des vaches, des cochons, des moutons. À Londres, deux œuvres de Manchanik. Et des bêtes du pays. Ya, Gwelen Meus, Gazek, Diwalet, de Slorun, à Kalzandut, de Zervro, à Wadut, Eviti. Voilà, oui, j'ai vu la jument Diwalet de l'Henri Vin, bien connue, à Kalzandut, de Zervro, Wadut, Eviti, et beaucoup de gens du pays étaient venus la supporter, quoi. Les supporters, un quart, ils avaient emmené. Ah oui. Tu sais bien. Attends, Vet Pestraouli, pousse de Manchanik. Et vous avez goûté de bonnes choses? Ah, ya, Gwyn. Juste à Porrel, à Calzadrao. Il y a Guin, alors du vin et du cid, qui Porrel de la charcuterie, Calzadrao. Mais Redidine Diwal, mes mestra, bonne moi de meuse. Bon, mais à mon âge, il faut faire attention tout de même. Mon rire est roisse. Vous irez encore? Y'a, zonge à la ronde, monde Benarbla, roisse, m'avait mad me hieret. Oui, je pense y aller encore l'année prochaine, si ma santé est bonne. Eh ben voilà. Bon, eh ben on... Retour du salon. On passe à la troisième partie. Petra Zonévervro, la Gazette d'Henri Le Naou. Petra Zonévervro. Calzedrau et Velgius Boervege Diouzan. Krogum de Dianton Velcus Acustum. Gandela Bourdouar Agevu et War Armes. Eruum Bremont Tos de Neve Amser. Bleu Ezo, Balior Zouervro. Ag Hiradrande, Adousradan Amser. Prestik, Vogwelen Dud, Labouradwarer, Parkeia. Ag Zezondrava de Velgius Vidovro. Neskepelzo. Wabed Bapar, il s'allonge là au Bourdouar. Bapar, d'or vert, ça, et puis là, il m'a dit. A blanc, mais au bédon tamoureuse, d'asquer, péouette, franche Hollande, d'ober hydro, war s'allonge. A gueuse au bédon tamoureuse, puis dur, zone en caden, grande là au Bourdouar, hermarément. Jonge à l'rande, ma treizaine, haïgueller, un trou, prestige. Calze du zobit, vidor s'allonge, war dro, wer quand mille, Pesso Nupstor me mestra, vid Warlande, puis du Warlande, et wabé 650 000 dut. Calze londe de zevros au bid, de zebobreis en mes au bid basalons, et vel bépla, et vel dasqueir, case glarune, gazex zo hound, diwalet. A gonne betud wae de baris, gonne harboutin, et vid zoutenei. Bro fan, jambes, Pépé, bah, Bopline, Vélar, Véja, ou Béba, Brofange, Zobé Derma, Tiesegord, Gwegel, Banner, Jo, Evro, Dasquir, Vigécan, Ton, Yézek. Bépus, Biclé, Vézé, hein. Tiesec puru, tiesec la ruon, ne ce que gwellor évite. Péru, pémelen, pépéchar, rinsomès, soir, un doua. Ne grédant que zo, bro, bétiez, kin, koul, zuel, va, brovange. Adreistol, pévez, le mat, tiesec, gorroué, erro. Un ton, ce sont bégrètes, gampierre, pas un ton. Pour, j'ose aux bégrètes, gampierre, un terte, à voix de zla ruon. Wa grande, bah, 1656, la perruque, un doula, rog, un dispar. Ag, hez, hez, gand, bah, neur, j'ou dis, a rog, un dreux, j'en gaul, vijet, gand, de neur, j'ou. J'ai casse, de neur, j'ou, dre, er, vouis. Ag, un ton, hervé, kled, zo, bégret, gand, fav, nek, bros, deux, croistasset. Croistasset, zanigouden, pudur, hervé, kled, ou a chom, bah, zanigouden, ou a tu, zanigouden, de ce croistasset. Puis genre croistas c'est zo bas en igoune n'a pas pur une bonne ag hem hervé clé loi de en igoune bonne ag de hulse vel le meslar de jekas de nerjo gandor voyez moyenne veut fait bédorzé roise mais de vraiment tient torvé grette quand un dreux une gaule puis quand binou ag vomba mais plus juste veut puis on tombe zonéres banner je me stra quoi encore et dine quoi leur dis Bonne, sais-tu, ouais, d'orgas avec diwal de Baris, à grand titru gundin de Zevro. À ge, maison, une gelcas de drouze, hein, à ge, bénéfine, leur varner, y'en un ezro, odeil, bevar de place. Bevar de brise. Bonne, wardash, une économie, vraiment, Jacques Bernard, ou à président de leur guévridig, produit de Brice, un dilusque d'igarg, vraiment, ayed, loïs et naf, poudreusique, un pot de porté, de Beniblas, à Gualdvo, puis sa mode vos comptes, mais un dravardi, un produit de Brace, invite Kaz Warog, une économie de Brace. Wardash en endro, vraiment, comme ce zobekals de Grace Nucleel Fessenheim, un déaumant, puis dur on se gos en hinizo, bah, brohal, à bon, sans ce wabit de vous divonte de prestique, mais bénéfine, ne vaut que graine, maison, vomir, porte d'aigle, la roise, puis mûre, avec, un alamante, n'est que contente, puis j'en ai de ce graise, bah, brovrance, maison, le vec, donc, de zé, bon, ou à ranquette, puis, quand pis, ou moins, virion, n'est, mais, pessosur, ne warem que pessamote, ne warer que pessamote, ve divonte, d'un graise, tien brosse, puis j'en pévegouel, bah, brénilis, vos exemples, Hunter Khan, là, et puis, divonte, or, greisen. A grand mais de, divonte, Fessenheim, veut faire bé des hommes, quand là-bas, peut de nœuds, peut-on, à grand c'est, chombo, greisen, à rapport de Pelleroise. Mais, bon, dis-moi compte. Hendel, Wardash, et Nenendro, roise, au pays manifesta, de Xobé de Neveso, vide, enfin, Enub de Nerbors. Bah, il trône variable en aïe. Ag, bon, azenik, gwals, clair, en trou, tambou, jèche, blaise, autre, et ministre, war, en dash, en zé. Mais, de, maison, de vos grèdes au référendum, bah, bro, ligueur, atlantel. Ou en, que pessamo, de vos comptes. War, droeur, politiquer, est vraiment, krog, et, politiquer, rien de, jonge, alba, vota, dégou, vos, bah, d'auville, seitek. D'asquir Jean-Jacques Urvoise, ministre Varnerien, Neuslar doit VFB doit rank vibout de député Roise ou à l'air niveau d'Ilusque d'Igar, bah Paris a commencé ou à l'arrêt de politiquerien, avait l'appel d'Hermat, bénéfine politiquerien avait d'Hermat au Cambali, Vidondrov et Vidondel, justement un mot bah Paris en main. Hendel ve comse de Zhalframa dur un tiriadou, pes ve l'art de réforme territoriale, gala, gand les un nôtre, hein, nôtre, n'est que nôtre, mais nôtre, hein, ag, bon, n'est que quals clair un trou da square vite carnoët, d'in ben au arroise, plaire hei carnoët, pe de vengam, pe de garès, pe no modèle, war anke pes amod vos con. War dash en zévena dur vraiment, Massen Pesguel, un abord, un oabégret, bah, ou à Valibreis, bah, FR3, ou à Orlan Rousse, de Spurut. Hein. La Gouelemeuse. Gouelemeuse, il y a un handelard, le Pérec, plus Gouelet. Hein. président des RKB, un gazo de Spurut, un Gouelaré de Tude Vrouve et Gouelet de Wabra Libraïs et Genamza. Avec Wabra, un abad, un abad, 13 ans, plus Gouelet de Lip, Lip Vélar de Zé, hein. Begret, Gand, Bastien Guyous, avec Gouel Morgan, Barlip, avec Gouel Gualbel, hein. Moi, que Bédam, sort de Velpi, ouais, mais de Clève, Meuse, Gualer, et Morgan, ouais, Robert, Westreskool. Boto, ouais. Ah, ben, chance, vous retard, ouais, dans le cinéma, Morgan. Ouais, cinéma. Bon, c'est une tombe de Spessonnet et Bavro. Benevegel, Gontindar, mur de Marcel Guyous, à deux orguels au lac Wardrode, 8 ans. Mais Benan, votre âme d'orguels, comme de ces Benevegel, ouais. Bon, c'est tu, Kenavo, n'a de tout d'un tut, à Tienorvegel. Keno Eri. Ya, Tienon Morgan.